surtout pour les femmes qui sont peut-être un peu plus intimidées. Quand je commençais, puis j'allais dans un autre magasin de vélo, genre des questions niaiseuses, si on veut, tu sais, j'étais gênée de demander ça, mettons, à un mécanicien gars. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se sentir plus gênées, mal à l'aise de venir réparer elles-mêmes leur vélo. Il y avait beaucoup de femmes qui me disaient comme « Oh, j'aimerais bien faire ça, mais... » Elles étaient tous intimidées. Certaines filles n'osent pas joindre ce type de groupe-là où on peur de pas être à la hauteur ou quoi que ce soit. Ça devient un peu plus difficile ou du moins ça te limite à certaines activités. Surprise que le vélo fut d'abord réservé aux hommes. Mais s'il fut d'abord un outil loisir pour un groupe dominant, il est rapidement devenu un symbole de résistance pour certains groupes oppressés, notamment les travailleurs et les femmes. Il n'est donc pas exagéré de dire qu'à partir du 19e siècle, le vélo a participé à l'émancipation des femmes. Il leur a en effet permis de se déplacer plus librement, de développer leur autonomie et d'occuper la sphère publique. Le vélo a aussi eu une influence directe sur la garde-robe féminine au 19e siècle. Les habits féminins de l'époque victorienne, très encombrants et très lourds, étaient un obstacle majeur pour les femmes qui désiraient se mettre au vélo. Les femmes cyclistes ont alors adopté le bloomer, une sorte de pantalon bouffant permettant une plus grande liberté de mouvement. Évidemment, le bloomer en a choqué plus d'un, et celles qui le portaient étaient souvent ridiculisées. Mais ces avant-gardistes ont néanmoins contribué à bousculer les conventions de l'époque en s'appropriant le vélo et en redéfinissant la notion de féminité par le fameux bloomer. Bref, depuis très longtemps, le vélo est au cœur des luttes féministes en Occident. D'ailleurs, Susan B. Anthony, une suffragette américaine, disait déjà au 19e siècle que le vélo donne aux femmes un sentiment de liberté et d'indépendance. Aujourd'hui, de plus en plus de gens adoptent le vélo, que ce soit pour réduire leur impact environnemental, pour se mettre en forme, pour économiser des sous, ou tout simplement pour le plaisir de rouler. Cela dit, il existe encore des inégalités dans le milieu du cyclisme. À Eve et Pandore, on s'est donc penché sur la situation à Montréal, à savoir quels sont les enjeux, les causes et les pistes de solutions, tant au niveau de la pratique du vélo comme loisir que comme moyen de transport. On s'est entretenu avec des cyclistes femmes, queer et féministes qui partagent ce type de réflexion et qui ont décidé de développer des moyens d'action féministes pour combattre les dynamiques sexistes au sein des espaces et des communautés cyclistes. Ça s'y fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Ça s'y fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Liz Herman est membre des Dérailleuses, un collectif de vélos pour femmes, trans et queer à Montréal. Tout d'abord, c'est le fait que c'est vraiment un monde quand même sexiste. Que, alors, il y a vraiment besoin de prendre la place pour dire peu importe si, comment je m'identifie, je suis capable de faire ce que je veux, si c'est du mécanique, du vélo de montagne, du vélo... juste comme se promener. Il y a quand même cette mentalité que les femmes sont comme « Oh, mais des hommes peuvent faire du vélo d'hiver, mais pas les femmes, c'est dangereux. » Ou même si c'est une femme enceinte, c'est dangereux. Comme, il y a toujours cette mentalité qu'on n'est pas capable. Juliette Leblanc, cycliste aguerrie, vit le sexisme à tous les jours sur la route. Quand je me suis entourée de gens qui font plus de vélo, quand je me suis un peu plus impliquée sur la scène cycliste montréalaise, c'est à ce moment-là que je me suis un peu peut-être rendue compte des écarts, si je peux dire, entre des cyclistes masculins et des cyclistes féminins. Je me fais demander chaque semaine par quelqu'un pourquoi je me déplace à vélo autant. Je pense pas que mon chum s'est jamais fait poser cette question-là. Je pense que tous les gens qui voient mon chum se déplacer à vélo le considère d'emblée comme un athlète. Moi, ils se demandent. Ils sont comme, mais pourquoi? Pourquoi tu sais? Je veux dire, il fait chaud, c'est difficile, c'est... T'es moins cute sur un vélo qu'à pied. Puis je suis comme, ouais, mais c'est un choix personnel. Puis pourquoi mon choix personnel est questionné? Tous les jours, aller-retour, je vais travailler en vélo. Et tous les jours, aller-retour, il y a au moins un moment où un cycliste masculin va essayer de me doubler ou me couper à la lumière, puis je trouve pas ça nécessaire. J'ai pas envie de courser tout le monde pour prouver que je suis capable d'aller vite. J'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je vais vite. Mais malheureusement, tous les jours, on me donne l'occasion de me prouver. Liz des dérailleuses. Ce qu'on a remarqué, c'était qu'on était toujours en train d'expliquer aux gens pourquoi c'était important le cyclisme et le féminisme. Comme, c'est quoi le lien? Le besoin, c'est vraiment l'éducation. C'est vraiment de donner une voix aux femmes pour expliquer dans nos mots pourquoi. Juliette. Je crois que ça change. Je crois que ça change parce qu'il y a de plus en plus de modèles féminins à suivre. Il y a de plus en plus de cyclistes féminines qui, pardonnez-moi l'expression, qui kickent des culs, qui vont plus vite que tous les garçons que je connais. Puis ça, c'est vraiment encourageant. Marissa Plamondon est propriétaire du magasin de vélo Le Bicurious. Le Bicurious a évolué du magasin Revolution Montreal, fondé par Danielle Flowers. Comme femme puis queer, elle a genre établi le ton puis le mandat de l'espace, qui était vraiment genre féministe ou comme dans une rôle comme mécano, comme femme. On n'est pas vraiment accepté, donc c'était vraiment dans sa mission de genre prouver que les femmes sont capables d'être business owners, d'être capables d'être mécaniciennes, puis être respectées. Puis maintenant, ouais, on est 8 ans plus tard, puis on a gardé c'était quoi le mandat puis le feeling au début de qu'est-ce que Danielle avait fait, qui était très très important pour nous, de garder l'espace comme un safe space, pas juste pour les clients, mais aussi pour les personnes qu'on engage. Camille Perrault est une des employées du Bicurious. J'aime ça rentrer dans une shop et me sentir à l'aise. En tant qu'humain, mais aussi en tant que fille, il y a des shops que des fois, tu sais, je suis déjà rentrée dans des shops et je me sentais pas la bienvenue. Pis c'est vraiment une habitude, tu sais. C'est les hommes, c'était des clients. Les personnes avec les vélos très haut de gamme, c'était des hommes. Puis il y a aussi le fait que juste beaucoup de magasins de vélos, les employés, c'est principalement des gars. Les mécaniciens, ça va être des gars. Les owners, ça va être des gars. Puis ça fait juste créer une dynamique boys club, dans le fond. Puis c'est vraiment dommage. Je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires de magasins de vélos que je connais qui essaient vraiment de déconstruire ça, mais c'est juste ancré. Puis des fois, c'est juste des petites habitudes de la vie de tous les jours qui sont vraiment difficiles à déconstruire, justement. L'histoire de vélos et femmes, c'est pas aussi vieux que l'homme, puis l'industrie l'encourage pas. Donc, il faut que les shops prennent ça vraiment en main de respecter les femmes également que les hommes, puis pas juste leur offrir des choses roses puis des choses mauves. Camille, du Bicurious. Je remarque que dans mes amis qui font du vélo, puis dans les groupes Facebook, tout ça, il y a de plus en plus de filles puis de femmes que eux autres, ils essaient de faire leur réparation eux-mêmes, qui se renseignent par elles-mêmes. Donc, l'intérêt est là. Il faut juste voir si ça va se développer à long terme, puis si on va pouvoir se faire une place qu'on mérite, dans le fond. Justement, à Bécam, un atelier de vélo communautaire à l'UQAM, des filles ont organisé une soirée non mixte qui a lieu le 1er et le 3e vendredi du mois. On écoute Raphaël Desvignes de Bécam. La mécanique, en général, c'est un milieu qui est quand même encore très traditionnellement masculin. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se sentir plus gênées, mal à l'aise de venir réparer elles-mêmes leur vélo ou encore d'enseigner même la mécanique. Donc, ça permettait justement de créer un espace où les femmes peuvent se retrouver entre elles, puis partager la connaissance, partager leur savoir, puis leur expérience. On a encore besoin de se réapproprier ces milieux-là, puis c'est encore un combat. Je pense que c'est aussi un débat qui revient souvent, là, à chaque fois qu'il y a des cercles de féministes non mixtes. C'est souvent vu par beaucoup de personnes comme la discrimination contre les hommes, machin. Puis bon, fait que c'est toujours le même combat, là. Avant la la permanence non mixte du vendredi, ben, Beckham était juste pas ouvert le vendredi, donc ça a pas non plus fermé les portes à qui que ce soit. Au contraire, moi, je pense que ça ouvre les portes justement à des gens qui étaient plus réticentes à venir à Beckham. Puis donc ça va être quelque chose qu'il faut gérer de temps en temps, mais jusqu'à maintenant, on n'a vraiment pas eu de problème. Les gens sont très compréhensifs. Le but, c'est pas tant de créer, d'oublier l'existence des hommes, là. C'est juste de permettre une réappropriation pour les femmes, là. Jusqu'à maintenant, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de gens, ben, dont Elisabeth ici, qui disent que sont bien contentes, dans le fond, de pouvoir avoir cet espace-là, puis qu'ils sont plus à l'aise pour justement faire le travail sur leur vélo elles-mêmes. Puis qu'ils vont se sentir plus à l'aise que dans d'autres journées, qu'ils vont être plus achalandés, puis où justement, quand t'arrives, que tu sais pas nécessairement trop quoi faire, puis que tu veux y aller, prendre ton temps et tout, ça, c'est un milieu qui est quand même un peu compétitif. Tu vas sentir le regard des autres qui va peser sur toi, puis ça rend l'initiation aussi à la mécanique de vélo un petit peu stressante. Alors que ce qu'on veut, c'est justement instaurer un milieu où c'est plus facile, puis c'est agréable. Bien, c'est un peu comme tout, tu sais, quand t'apprends à faire les choses toi-même, c'est un gain direct parce que, bon, t'es capable de le faire sans avoir besoin d'aller demander à quelqu'un d'autre de le faire pour toi ou sans avoir besoin de payer pour le faire, mais c'est aussi une satisfaction personnelle, puis moi, je vois ça un peu comme une victoire. Juliette nous a dit que sa capacité physique à relever les défis en tant que cycliste est constamment remise en question. C'est peut-être que tu seras pas capable. Je me disais, ouais, mais peut-être que je vais être capable. Pourquoi on dit pas l'inverse? Pourquoi on n'encourage pas les femmes à relever des défis comme ça? Elle en vient finalement à douter d'elle-même. C'est moche de se dire ça parce que ça installe un climat de défaite, si tu veux. Je sais que je suis moins forte qu'eux, puis j'assume que je vais être laissée en arrière. Puis ça aide pas à grandir en tant que cycliste. Puis ça m'a toujours empêchée de joindre une équipe aussi. Parce que j'ai toujours eu peur de pas être à la hauteur d'athlète dans une équipe, alors qu'il y en a de plus en plus des équipes de vélo montréalaises qui sont super ouvertes, super encourageantes. Mais pour ça, honnêtement, je me rends compte que pour grandir en tant que cycliste féminine, il faut être entourée de gens compréhensifs et encourageants. C'est justement dans cet état d'esprit que Marissa du Bikerious a mis sur pied une équipe de course mixte. Et au début, j'ai pensé comme peut-être il fallait que je commence une équipe juste pour femmes. Mais après vraiment réfléchir, j'ai dit, en vraie vie, on peut pas juste avoir juste des femmes pour créer un safe space. Donc, il faut avoir des hommes qui sont intelligents, qui sont féministes, pour être avec nous. Donc, si moi, ma mission, c'est d'avoir l'égalité entre les deux, il faut que je crée un micro-environnement qui supporte les femmes et aussi que les femmes peuvent supporter les gars. Puis c'est comme un beau, you know, c'est une mini version de qu'est-ce que j'aimerais avoir en vie. Camille du Bikerious. Le dépassement par le sport, t'sais, repousser ses limites, faire des choses que juste des gars font, puis être bonne pour les faire, puis être meilleure que d'autres personnes. T'sais, c'est vraiment un sport. Quand tu repousses tes limites, là, tu découvres des affaires sur toi-même, puis après, tu te sens mieux, tu te sens plus fort comme individu. Juliette. Ce que je fais de niveau plus athlétique, si on peut dire ça, ça a toujours été pour moi. Pour justement voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux me pousser, jusqu'où quelle distance je peux parcourir en une journée. Le premier gros voyage à vélo que j'ai fait, je suis partie avec mon copain, puis on a fait Montréal-New York. Puis encore une fois, tout le monde me disait, mais tu sais, faut que tu sois entraînée pour faire ce type de voyage-là, tu peux pas juste te lancer là-dedans. Puis je me disais, ouais, mais je le saurais pas tant que je le ferais pas, là. Marissa, du Bike Curious. L'esprit de l'équipe, c'est vraiment, c'est pas très strict. Donc, n'importe qui me dit, moi, je veux faire la course, ou je sais pas si je veux faire la course, moi, je vais les aider juste en encourageant, d'être très clair, c'est quoi notre mission, être là pour comme répondre des questions, genre acknowledge que c'est un monde très intimidant. J'ai réussi à avoir comme plus de femmes à sortir. C'est comme si j'ai réussi à t'embarquer sur un vélo que t'as jamais rembarqué, puis tu roules genre 10 fois plus que t'as roulé dans ta vie. C'est une bonne affaire. Il y a des rides où il y a comme genre 8 femmes, 10 femmes, puis je suis comme wow, c'est tellement cool, et un gars, you know? Ça démontre l'importance de la rencontre entre le féminisme et le cyclisme pour assurer un accès égalitaire au vélo. Parce que le vélo est non seulement un moyen de se dépasser, mais aussi un outil de mobilité et d'émancipation. Liz, des dérailleuses. Comme moi, j'ai déjà enseigné des femmes immigrantes adultes à faire du vélo, et j'ai vu des familles qui étaient vraiment comme la femme était toute seule à la maison avec les enfants. Elle était comme vraiment prise dans son quartier. Mais là, on a aidé les jeunes à monter leur vélo et on a enseigné les femmes à faire du vélo. Et tout d'un coup, tu vois ces familles qui comme partent pour aller ailleurs, en famille, à vélo. Et c'était comme vraiment comme ça, changer leur vie. Camille, du Bike Curious. Le cyclisme, je trouve que c'est un sport qui est accessible. T'sais. Oui, un vélo haut de gamme, c'est cher, mais t'as pas besoin d'un vélo haut de gamme pour commencer. Puis t'es pas obligé d'être semi-pro ou d'avoir tout le kit en spandex. Si tu peux partir avec un vélo correct un samedi après-midi puis faire une long ride, ça te vide l'esprit, ça fait du bien. Cela dit, cette mobilité ne vient pas sans son lot de sexisme sur la route. Juliette. Je pense que c'est pas exagéré de dire qu'en tant que femme, je me sens un peu moins en sécurité sur un vélo en ville qu'un gars. C'est pas juste les automobilistes qui, à mon avis, pose des actes un peu plus sexistes, un peu plus dégradants du fait que t'es une femme. Avant tout, je pense que ce combat-là se passe au sein même de la communauté cycliste. Puis oui, je m'obstine à continuer à aller en vélo tous les jours, peu importe où je vais, parce que il y a des gens à un moment qui m'ont dit « Mais pourquoi tu le fais? » Je m'obstine à le faire pour prouver que je peux le faire. Parce que c'est pas parce que je suis une fille que je peux faire moins de distance ou moins de vitesse ou être découragée plus facilement qu'un garçon. C'est faux. Le feeling de liberté, de vitesse, de pas dépendre de quoi que ce soit d'autre que toi-même sur un vélo, ça, y a rien qui va battre ça.